Derrière la fenêtre, je regarde s'accumuler les nuages venant menacer le jour qui vient de naître. La nuit fut blanche, traversée d'idées noires, des souvenirs par tranches où je croisais ton regard. Dans ces milliers de visages tournant sans cesse autour de moi, figés sur place, je cherche celui de ce rivage m'appelant pour une ivresse de joie, inspirée par la trace d'un rêve où tu m'apparaissais. Mais j'ai peur de ne pas te voir, peur de regarder au mauvais endroit. Et si mon cœur, à force de croire, cessait de battre dans ce vide immense et froid. Mais j'ai peur de ne pas te voir, peur de regarder au mauvais endroit. Et si mon cœur, à force de croire, cessait de battre dans ce vide immense et froid. Dans ces milliers de secondes, résonnant dans le néant des instants passés et présents, je suis figé, telle une statue de l'ancien monde, attendant le moment de ton pressant baiser m'éveillant. Les gouttes sur la fenêtre, comme mes pluies de larmes, dessinent ta silhouette, ton silence dans le vacarme. Du doigt, je suis le contour de tes courbes parfaites, la douce amertume de ne pas encore te connaître. Dans ces milliers de regards que je parcours avec la ferveur d'un miraculé, je cherche cette flamme, ce phare, qui dans mon sommeil a consumé mon cœur de naufragé. Ce rêve où je t'aimais, ce rêve où tu m'aimais. Mais j'ai peur de ne pas te voir, peur de regarder au mauvais endroit. Et si mon cœur, à force de croire, cessait de battre dans ce vide immense et froid. Mais j'ai peur de ne pas te voir, peur de regarder au mauvais endroit. Et si mon cœur, à force de croire, cessait de battre dans ce vide immense et froid.